Le plan d'aujourd'hui est assemblage requis. Maxime Lemieux-Laramie nous fait ses suggestions musicales dans son blog Télécharge quoi? On reçoit Bis en entrevue téléphonique. Et on parle de questions. On vide la question de la censure avec Bidon là dans la question. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Dans de mots si peu de temps, bienvenue à Assemblage Requis, émission du retour en pièce détachée. Il s'appelle Kiwan. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et bonjour à vous. Aujourd'hui, je dirais qu'on est comme des poètes de la radio. Et on est comme les messagers du son. Oui, c'est ça. On est comme Carmen Sandiego à travers la planète. Pareil. Mais où se cache-t-il? Mais où veux-tu en venir? Oui. Donc, aujourd'hui à l'émission, on a Maxime Lemieux-Ramé qui va nous faire des suggestions musicales à télécharger, à écouter, à se procurer de diverses façons dans son blog Télécharge quoi. Oui, aussi, vers 16h, dans une heure environ, on va recevoir Beast en entrevue téléphonique parce qu'ils sont en spectacle samedi, le 10 octobre, au Cégep de Trois-Rivières. Donc, ils sont nominés partout et ils gagnent plein de prix. C'est super bon, ça, du Beast. Donc, on parle avec eux tantôt. On va recevoir Sarah Cohen d'Argentine. Elle est poète et elle va être du Festival de la poésie de Trois-Rivières. Donc, ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. Et on va avoir aussi le collègue technologique CNX. Aujourd'hui, on va parler de robots. Oui, ça, c'est dans une vingtaine de minutes. Et parlant du festival de poésie de Trois-Rivières, Mathieu, on a un cadeau. On a des cadeaux à vous offrir. On commence ça demain. Ben, wow. Ben, comme ça, je vous dis, on en a plusieurs. Donc, gâtez-vous. On vous offre tout de suite la chance d'aller voir Ivy. C'est ce soir. C'est à la salle Anaïs Allard Rousseau, ici à Trois-Rivières. Donc, si jamais ça vous tente d'aller voir Ivy en spectacle, c'est un slammer. Donc, c'est un spectacle poésie et musique. C'est pour les slamateurs. Et c'est pour les slamateurs de Ivy. Appelez-nous au 819-376-5183. On attend votre appel. Tout de suite en musique, voici. On a créé un monstre. Et nu sur la piste. Assemblage requis! Is it ever gonna be enough? Is it ever gonna be enough? Is it ever gonna be enough? C'est un extrait de palmarès anglophone de C'est fou ça, Gold Guns Girls de Metric. Il reste plus que 8 dodos avant que j'aille les voir en spectacle. Ah, t'attends ça, toi? Hein? C'est ouais. Quand? C'est où? C'est deux spectacles, vendredi et samedi prochain, pas demain, là, la semaine prochaine à Montréal au Métropolis. Cool. Ouais. Très cool. Tout assemblage requis jusqu'à 17h. Plus tard dans l'émission, il va y avoir une chronique technologique CNX. Aujourd'hui, on va parler de robots. Donc, c'est mon robot, ça. Ouais. Parfait, tu nous apportes ta dose. Avant, c'était une dose quotidienne. Je dirais que c'est plus rendu une dose hebdomadaire de contenu robotique. C'est ça. Ça faisait longtemps que tu nous avais pas parlé de robots. J'étais un petit peu inquiet d'ailleurs. Je suis content que tu nous rapportes un peu de contenu de robots aujourd'hui. Je vais te faire plaisir. Mais il n'y aura pas que des robots dans l'émission d'aujourd'hui. On va avoir Maxime Lemieux-Laramé avec des téléchargements ou des suggestions musicales. Mais qu'est-ce qui te dit que Maxime n'est pas un robot? J'avais pas pensé à ça. On pourrait lui demander tantôt. Et on va recevoir quelqu'un qu'on sait que ce n'est pas un robot. C'est une artiste, une poète. Sarah Cohen va être avec nous tantôt pour parler poésie. Exactement. Et pour l'instant, on va retourner en musique avec Ludo Pin. Et la pièce « Qu'est-ce qu'on s'en foutait » qui est du palmarès francophone. Oui, puis Ludo Pin est en spectacle en samedi aussi, le 10 octobre. C'est à Shawinigan au Trou du Diable avec le groupe mauricien Kamanja. Cool! Mais d'ici là, on vous rappelle qu'on a une autre paire de billets pour Ivy. Oui, c'est vrai. Donc appelez-nous au 819-376-5183. C'est ce soir à la Salle Anaïs, à l'heure Rousseau, Ivy, dans le cadre du Festival international de poésie de Trois-Rivières. Voici Ludo Pin et « Qu'est-ce qu'on s'en foutait » à Assemblage requis au 89.fm. Et que je te détaille, dans le creux de la vague on déraille. Si de l'enfant sage qu'on était, ne reste qu'un doux reflet atténué. C'est toujours bon à prendre, ça soulagera nos cendres. Si chaque jour un peu plus, on s'imagine pouvoir faire mieux. Si c'est un leurre et que je me désole de notre torpeur, de nos aveux. Si notre erreur maintenant sonne creux, que nos faiblesses deviennent prouesses, c'est sûrement mieux comme ça. Ça nous libère d'un poids. Et on avait pourtant laissé crever l'abcès. Un instant sans soucier, sans soucier de ce qui pouvait doucement nous arriver. Qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on s'en foutait. C'est pas pour rien si je le dis. Ébloui par la vie, encore aujourd'hui je m'agrippe à tes tripes, tel le tic à sa cloque et le hip à son hop. Toujours au milieu de rien qui m'empêchait pourtant de pouvoir juste un instant te regarder. Te regarder. Si par mes gardes on dilapide nos phrases faciles derrière un fil, si on s'oublie encore une fois, c'est bien futile et trop facile. Si entre deux on s'imagine une terre bénigne et moins hostile, on en frissonne des mois, on en tremble déjà. Et on avait pourtant laissé crever l'abcès. Un instant sans soucier, sans soucier de ce qui pouvait doucement nous arriver. Qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on s'en foutait. And I can't make my body rise when the morning faces on all sides when the morning comes. I have to fight. There is Love, c'est extrait du nouvel album de You Say Party, We Say Die. Vous venez d'entendre ça à Assemblage Requis. C'est ce qui jouait là, dans votre radio. Vous êtes à Assemblage Requis et maintenant, ben, c'est l'heure de quoi donc? La chronique technologique CNX. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est les nouvelles de robots. Robots. Robots. Tout de robots. Donc, c'est un bloc uniquement avec des nouvelles de robots. Seulement des robots, juste pour vous, les robots. Wow, tu te gâtes. Hey, ça n'a pas d'allure. On commence avec des ingénieurs de chez ActiveLink, une filiale de Panasonic qui est établie à Kyoto, au Japon. Ils travaillent sur un exosquelette similaire à celui aperçu dans le film de science-fiction Aliens et duquel ils tirent son nom. Ça s'appelle le Power Loader. L'exosquelette est conçu pour augmenter la force d'un humain travaillant dans des secteurs comme la construction pour faciliter les tâches nécessaires après des désastres naturels. La force surhumaine atteinte avec l'utilisation de l'exosquelette japonais est rendue possible grâce à ses 18 moteurs électromagnétiques autorisant son opérateur à soulever sans effort un poids allant jusqu'à 220 livres. Sa structure d'aluminium pèse plus de 500 livres. Le système de contrôle du Power Loader serait très intuitif et permettrait de recevoir une rétroaction immédiate des mouvements de l'appareil. L'exosquelette Power Loader de ActiveLink est toujours en phase d'élaboration, mais ses concepteurs prévoient le commercialiser en 2015. Vous pouvez aller voir une vidéo de cet exosquelette en pleine action sur assemblagerequis.com. Wow, une vidéo, ah ouais. Tu mets ça sur le dos, puis tu peux le lever déjà faire comme un surhomme, un surhumain. On espère depuis des dizaines d'années le robot serviteur, le robot chauffeur, peut-être même le robot qui fait notre travail à notre place, dit branchez-vous gadget. Mais il semble que pour cet hiver, on devra se contenter du robot humidificateur miniature. Il s'agit d'une réplique de R2-D2, le droïde copilote de la Guerre des Étoiles, ou Star Wars, qu'on remplit avec 250 ml d'eau avant de le brancher dans n'importe quel port USB alimenté. Il charge ensuite d'humidifier notre doux logis, compte tenu du peu d'eau qu'il contient, que notre doux logis soit à peu près de la taille d'une grosse boîte de conserve. Petit article. Ah, 25$ sur Uber Gizmo. Non, mais finalement, ça sert absolument à rien, c'est ça qu'ils disent à la fin de l'article. C'est ça, c'est trop petit pour faire vraiment quelque chose, mais c'est un robot humidificateur. Un jeu d'arcade qui fait apparemment fureur en Corée ces jours-ci et qui pourrait fort bien traverser le Pacifique au cours des prochains mois. Il s'agit d'un jeu de soccer conçu pour 4 joueurs qui manipulent des mini-robots télécommandés à l'aide de bons vieux joysticks. Les robots jouissent d'une liberté de mouvement totale, contrairement à ce qu'on voit dans les jeux de hockey sur table, où les petits personnages en plastique sont restreints à des pistes gravées dans la surface de jeu. Ils peuvent donc aller se mettre le nez dans les coins pour faire plaisir aux entraîneurs de la LNH, réaliser des montées à l'emporte-pièce d'un bout à l'autre du terrain, ou peut-être même se jeter devant les tirs au but adverse. C'est des robots sur table, donc du soccer sur table. Les robots sont programmés pour démontrer une certaine personnalité. Les diodes électroluminescentes de leur visage indiquent la joie d'avoir marqué un but ou la tristesse d'avoir perdu la partie. C'est via device. Trop occupé pour vous tourner les pouces vous-même. L'artiste Nick Ramage semble adorer tapoter la surface de sa table de travail avec ses doigts. Mais comme il a besoin des doigts en question pour être utile à la société, il a fabriqué un gadget qui tapote des doigts à sa place. Il s'agit d'une main robot qui répète les mêmes séquences de mouvements tant et aussi longtemps qu'elle est alimentée en électricité. Ramage l'a décrit comme une œuvre d'art. On peut présumer que ceux qui travaillent juste à côté de son bureau et qui l'entendent à longueur de journée y ont trouvé des descriptions moins charitables, dit l'article. On ne sait pas encore si quelqu'un voudra fabriquer ce genre de truc en série. Il y a des gadgets USB au moins aussi absurdes sur le marché en ce moment. Ça sert à se faire tapoter les mains. Non, ça tapote sur la table. Okay, ça tapote sur la table. Okay. Comme ça. À peu près. C'est le fun. À la beaucoup d'inventions qui vont révolutionner l'histoire aujourd'hui dans ta chronique robot. Ça marque une époque. Vraiment. À la conférence CIATECH à Tokyo récemment, ils ont révélé une version mise à jour du HRP 4C. C'est un robot de Yamaha. En plus d'avoir un style plus dessin animé japonais, le robot maintenant chante des demandes spéciales qu'on lui envoie via iPhone. Donc en plus de voler les jobs des humains, des femmes de top modèle, si on veut, par sa presque beauté, ce robot de Yamaha peut aussi faire faillite peut-être à Jay-Z ou à d'autres artistes comme Kanye West qui servent de l'autotune. C'est un sans-cœur, ce robot-là. C'est vraiment pas fin. Il a pas d'ailleurs, de conscience sociale? Non, moi je pense qu'il est tordu, Kanye West. On va entendre, voir comment ça chante, ce robot-là. C'est insupportable, ça. C'est insupportable, mais c'est quand même mieux que bien des choses qu'on entend à certaines radios, des fois. Robot géant maintenant qui s'appelle Gigantor ou Tetsujin au Japon. On a parlé à CNX une fois de temps en temps, mais là, il vient d'être terminé. Il a été monté. Il est affiché au Wakamatsu Park de Kobe, je crois que c'est une ville. Il fait 60 pieds de haut et pèse environ 50 tonnes. C'est une statue robot qui a coûté 135 millions de yens ou 1,5 million de dollars. Il a été construit pour attirer les touristes et pour être un hommage au créateur du personnage qui est connu là-bas, Mitsuteru Yokoyama. Vous pouvez aller voir la vidéo de la construction de ce robot gigantesque qui est vraiment très, très, très beau. Très, très beau et coloré. J'adore ça. Gros robot construit au Japon. Et puis finalement, tiens, parlons d'un petit robot qui peut se promener comme bien des robots. Tu sais, je veux dire, normalement, un robot, ça se promène. Celui-là, le Omni 09, a été montré au Robo One, une compétition de Toyama au Japon. C'était la 16e année de cet événement-là. Donc, on est habitué à voir des robots, comme je disais, se promener, se transformer en voiture, peut-être, dans des dessins animés, quelque chose du genre. Mais le Omni 0 peut rouler grâce à ses roues qui sont installées sur ses épaules. Et après ça, peut se transformer en chaise. Donc, tu peux t'asseoir dessus. Comme un Transformer. Ouais, c'est plus que ce que l'on pense. World meets the eye. C'est quoi en français le slogan? Je sais pas. En tout cas, Transformers, World meets the eye. Non. En tout cas, allez voir la vidéo de ce robot qui se transforme en chaise sur assemblagerequis.com et c'est là-dessus que se termine cette chronique sur les robots. Wow, parfait. C'est beaucoup de robots, hein? Ça fait beaucoup de robots. C'était très beau, très robot. C'est du robot léger, pas mal aujourd'hui. Il n'y avait rien de trop lourd là-dedans, à part peut-être la statue. Mm-hmm. 50 tonnes. Mm-hmm. Ouais. Non. OK. Donc voilà pour la chronique CLX. Il y en a une autre lundi et c'est toujours du lundi au jeudi vers les 15h20. Et c'est compressé dans un seul et même fichier. Oui, c'est nx.zip les lundis à 10h sur les ondes de C'est Fou. Ouais. Est-ce qu'on retourne en musique, Mathieu? Oui. On va aller entendre la position numéro 1 du palmarès anglophone cette semaine. C'est le groupe Obijou avec la pièce Black Ice. Vous êtes Assemblage Requis jusqu'à 17h. Down Bathurst Street and saw where Louane et Mathieu. Assemblage requis. Et oui, vous êtes toujours à Assemblage requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Et maintenant, on n'est plus seul. On est accompagné de Sarah Cohen, une poète qui est de passage ici à Trois-Rivières dans le cadre du Festival international de la poésie. Donc, on l'accueille. Elle est ici. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Oui, très heureuse d'être à Trois-Rivières. J'aime bien le festival et j'aime beaucoup Trois-Rivières et le Québec. Oui. Oui, vous venez d'Argentine, c'est bien ça? Si. Vous habitez là-bas? J'habite à Buenos Aires, oui. OK, donc vous êtes venue ici spécialement pour le festival de Trois-Rivières? Oui, je suis invitée du festival. Okay. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Trois-Rivières? Non, je suis venue pour le festival. OK. Si, je suis venue d'autres fois. Et en plus, je me suis intéressée par rapport à la poésie du Québec. Alors, j'ai fait une recherche sur le sujet. J'ai voyagé à Montréal et j'ai écrit un livre qui s'appelle La frontera de la lengua, que c'est une étude sur la poésie du Québec qui est éditée à l'Argentine et en espagnol. OK. Si. Oui, c'est ça, justement. Vous écrivez votre poésie en espagnol. Oui. Vos textes sont traduits en français. Et ces traductions-là ne sont pas éditées. Okay. J'ai des traductions mais de différents poètes qui ont fait mes traductions, mais elles sont pas. J'ai pas un livre traduit ici au Québec. OK, c'est ça, parce qu'en fait, vos poèmes traduits, c'est spécifiquement pour le Québec. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde, d'autres pays francophones où vous allez dans les festivals ou des trucs du genre? Et ici, j'ai des traductions qui ont fait des poètes du Québec et aussi j'ai, par exemple, des traductions qui a fait Bernard Noël, un poète français. J'ai des différentes traductions. OK. OK, vous avez traduit des poèmes en français vers l'espagnol, c'est ça? Et j'ai des traductions ici. Okay. L'écriture, elle est en espagnol, ce sont des traductions. D'accord. J'ai pas bien compris. Non, je disais que j'avais lu que vous avez traduit des poètes. Du Québec, vous-même. Oui. C'est ça, du Québec. Oui, vous en avez espagnol. Apporté... Ouais, en c'est espagnol, ça. Oui. On l'est... Et à Buenos Aires, on a édité, par exemple, Nicole Brossard. J'ai traduit Nicole Brossard et on a édité Au présent des veines, un des livres de Nicole Brossard. Ah. Elle est venue invitée, on a présenté le livre. Mais en plus, j'ai traduit d'autres poètes du Québec parce que l'essai que j'ai fait sur la poésie du Québec a une petite anthologie. J'ai traduit des différents poètes du Québec. Mais un livre entier, c'est un recueil, c'est de Nicole Brossard que j'ai traduit Au présent des veines. D'accord. C'est pas votre première fois à la radio. Vous avez animé une émission de radio, c'est ça? Si. Pendant une dizaine d'années, j'ai eu une émission de radio de poésie. J'invitais toutes les semaines des poètes. Et voilà. Et ça a été vraiment très intéressant. Pour moi, c'est très, très intéressant, la radio pour les poètes. Ouais. Parce que, enfin, je faisais des entrevues et après, ils lisaient. Et en général, je m'occupais évidemment de notre poésie, de la poésie argentine, non? Mais il y a d'autres poètes du monde qui sont venus et invités. Par exemple, du Québec, Nicole Brossard a été dans le programme. Bon, celui qui organise le festival de poésie de Trois-Rivières, Gaston Bellemare, qui va toutes les années à Buenos Aires pour la foire du livre, il a été aussi dans l'émission. Et il y a aussi des... Même s'il n'est pas poète, bon, il est organisateur du festival. Et oui, enfin, c'était un endroit de poète. Et quand on pouvait, on incorporait, s'ils pouvaient parler en espagnol, sinon avec des traductions des poètes d'autres parties du monde, non? Mm-hmm. OK. Ici, on sait que la poésie est une discipline un petit peu marginale, qui est un petit peu qui n'est pas dans le courant populaire. En Argentine, c'est quoi la place de la poésie dans la culture argentine? Bueno. La poésie, moi, je pense que elle a de la chance d'être dans un endroit marginal. Pourquoi elle a de la chance? Parce que c'est une possibilité avec la langue qu'il faut comprendre qu'elle est différente. Et quand la poésie rentre dans ce qui peut être vendu, c'est pas mal. Il y a des grands poètes qui peuvent être vendus et lus, c'est bien. Mais on doit comprendre que l'écriture, c'est pas mal qu'elle soit aux marges. C'est pas mal. C'est une façon de comprendre la possibilité de l'écriture comme une possibilité différente. Puisque si on veut partir de que tout est fait ou ce qui va se vendre, c'est pas l'histoire d'écrire, je pense. OK. Vous allez nous lire un texte. D'accord. S'il vous plaît. Comment s'appelle-t-il? Défense de ramasser de l'argile, des cactus et des plantes. D'accord. Il n'y a pas de mots pour décrire ces couleurs, leur mélange et cette altitude qui me donne le mal des montagnes. Rien de tout ce que tu me racontes ici ne pourra passer au-delà de ces versants. Seul un cri peut devenir écho. Le reste tombe dans le silence. L'école que tu as vue au bord de la montagne est un pensionnat. Les enfants des agriculteurs y restent du lundi au vendredi. Le rocher semble coupé au couteau. Rien de ce que tu me racontes ici ne pourra passer au-delà de ces versants. Dur et lisse, fer, soufre et borax. On les enterrait en position fœtale, accroupis. La jeune mariée avec tout son trousseau. Pont métallique entouré de mille couleurs. Un chien est passé et un garçon à bicyclette. Ici, je peux dire, rien ne passera au-delà de ces versants. Combien me manque celle que j'étais avec toi? Si je crie, j'entendrai revenir l'écho. Rien de plus que l'écho. Merci. Merci, Sarah Cohen. On pourrait mentionner quelques dates. Vous êtes au Festival de la poésie. Est-ce qu'on peut retenir des dates en particulier? Ah, bonne question. Oui, parce qu'on a plein de lectures. On a 3 à 4 lectures par journée. Alors, j'oublie un petit peu. Je regarde le programme chaque fois. C'est ce qu'on conseille aux gens de faire aussi, d'aller voir fiptr.com pour en savoir plus. Parfait. On pourra peut-être aussi tantôt là, fouiller un peu, trouver les endroits où on pourra entendre Sarah Cohen pendant le festival. Absolument. Parfait. Merci beaucoup, Sarah Cohen. À vous. Merci. À bientôt. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. On continue avec la musique de Vanessa Pariétaire. Oui, on va écouter la pièce pour demain et les jours qui suivront. Je t'en veux. Vanessa Parietta avec la pièce Pour demain et les jours qui suivront. On va continuer en musique avec le groupe de Rural Alberta Advantage. C'est tellement drôle à dire ce nom-là. J'ai écouté l'album cette semaine parce que bon, tout le monde parle de ce groupe-là depuis quelques mois. Je connaissais pas ça, j'avais jamais entendu. Maxime nous en avait parlé de ce groupe. Et puis je voulais savoir exactement qu'est-ce qu'il en était. C'est un très bon groupe, c'est un très bon son, le son que j'aime en général. Indie folk un peu. Ouais, c'est ça. Sauf que j'essayais de trouver qu'est-ce qui faisait que ce groupe-là se démarquait, qui est sorti des frontières locales de leur région pour être connu partout en Amérique du Nord. Comme ça, je me demandais vraiment qu'est-ce qui les démarquait. Et puis c'est dur à répondre comme question. On va en écouter ensemble, tu vas voir, c'est un peu rough au niveau du son, on dirait, puis je suis sûr que c'est fait comme ça, là, la façon que le son a été capté. Tu vas voir, le drum, tu sais, il y a une espèce, c'est comme fibreux, je sais pas comment dire. Là. C'est mini-wheat, là, vraiment, côté sucré. Non, mais tu vas voir, écoute le son attentivement, là, c'est sûr, à la radio, peut-être que ça apparaît moins, c'est mieux d'avoir vraiment les écouteurs, puis d'écouter le CD pour bien comprendre, mais... C'est du très bon indie folk. Mm-hmm. C'est très très bon, puis c'est ça, j'essaie de découvrir ce que ça avait de particulier, puis vraiment au niveau du son, la captation, je pense, de cet album-là, il y a un petit quelque chose de particulier. Ouais, leur image a l'air très bléancier. C'est un peu de base là. De base. C'est de base. D'accord, basic, j'imagine que c'était ce que tu cherchais. Ouais, c'est ça, traduction de basic, pas de flafla là-dedans. Ouais. Voici The Rural Alberta Advantage. J'aime le dire comme ça parce que c'est drôle. Voici The Ballad of the R.A. ou The Raw. Ballad of the Raw. Zon Raw. Comme dans Raw. Vous êtes à Assemblage Rookie. Au 89 FM. Thank you. you feel it all the time. But when she preys upon your mind, she's a fiend. Vincent Vallière et Sortir du bois, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou, ça. Oui, juste pour faire un petit retour, Mathieu, sur le passage de la poète Sarah Cohen qui était ici avec nous dans les studios il y a environ 5-10 minutes. Oui. On se demandait quand était sa prochaine performance dans le festival ici à Trois-Rivières. Eh bien, c'est ce soir à 20h30 dans l'événement Terrasse Poésie. C'est à l'Embuscade, au café-bar L'Embuscade, ici sur la rue Badeau à Trois-Rivières. Donc, il va y avoir plusieurs poètes, dont entre autres Sarah Cohen, si vous voulez entendre une de ses lectures. C'est l'occasion pour le faire ce soir à 20h30 à l'Embuscade. Tout à fait. Vous êtes à l'Assemblage Requis jusqu'à 17h. Tout à l'heure, on va avoir Beast en entrevue au téléphone. Mais avant ça, petite pub et on revient juste après. Vous êtes à l'Assemblage Requis. Jusqu'à quand déjà? Jusqu'à 17h, restez là. Tu dis la vérité, Kewan. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées à C'est fou 89.fm avec Kewan et Mathieu. Oui, et puis on vous en a parlé en début d'émission. Vous savez, un spectacle de Beast en fin de semaine, c'est samedi au cégep de Trois-Rivières. Et on a Jean-Phi du groupe Beast qui est au bout du téléphone avec nous. Salut! Ça va? Ça va super! Bienvenue! Merci! Vous avez gagné Beast en fin de semaine dernière au gala du Gamic. Vous avez gagné le prix pour l'album électro de l'année. Je sais en même temps que vous aviez aussi plusieurs autres nominations dans d'autres catégories. Qu'est-ce que ça représente au juste pour vous le fait d'avoir gagné un Gamic, puis aussi le fait en même temps d'en avoir un peu, si on veut, perdu d'autres, là, étant donné que vous aviez plusieurs nominations. Est-ce que c'est important pour vous, bref, les Gamics? Ben, c'est toujours mieux de les gagner que de les perdre. Oui. Mais une nomination, que tu la gagnes ou pas, c'est déjà une reconnaissance de tes pairs, du monde de l'industrie, donc c'est toujours flatteur. Puis ce qui se passe aussi avec les gamics, qui est à l'inverse de la disque, c'est que c'est voté à moitié par le public et à moitié par des juges, tandis que la disque, c'est entièrement des juges. Et quand le public vote pour toi comme meilleur album électro de l'année, c'est encore plus, c'est une belle reconnaissance, encore plus que pour la disque, par exemple, parce que c'est non seulement le public, mais en plus l'industrie qui vote, donc c'est une double reconnaissance. Mm-hmm. On est pas mal contents, puis je sais pas si vous avez vu un peu de quoi ça avait l'air, les trophées cette année à la Gamic, c'était des bocs de bière. Oui, absolument, on entendait parler pas mal de ça. Oui, vous avez fait même un concours de calage, si on veut, sur la scène. Que... Ouais. Assez cocasse quand même. Betty a triché. Ouais, c'est ça. Elle a renversé un petit peu sur le stage. Ouais, elle a eu l'air de gagner, là, mais en fait, c'est vrai que c'était un peu triché. Vous êtes aussi en nomination à la disque, donc dans les catégories album d'année anglophone, meilleure pochette, meilleur réalisateur de disque de l'année. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire? Est-ce que vous trouvez que c'est aussi important, plus important, moins important de la disque? Ben, je sais pas trop, mais je sais que la disque est beaucoup plus médiatisée que la Gamic. Donc l'impact que peut avoir de gagner, mettons, comme ce album anglophone de l'année, c'est sûr qu'il y a plus de médias qui couvrent l'événement, donc on en parle plus, donc c'est forcément un peu mieux. Puis je veux dire, ça regroupe aussi, c'est ça l'affaire avec la disque, c'est que ça regroupe tout un tas de styles musicaux. Ça peut aller de Céline Dion jusqu'à l'affaire Super Underground, tandis que les Gamics est vraiment ciblé sur la musique indépendante. Donc c'est sûr que la concurrence est plus forte à la disque aussi, mais bon, les deux sont le fun. Les parties sont plus gros à la disque aussi. Alors plus de bière à caler à la disque. Ouais, même si c'est pas dans un bière. Ouais. On va parler un peu du spectacle de Trois-Rivières que vous avez donné en fin de semaine. C'est pas la première fois que vous venez à Trois-Rivières, hein? Non, c'est la deuxième fois. Deuxième fois pour sûr, on a joué non, troisième fois, on a fait une fois l'embuscade avant même d'avoir un album qui en magasin pendant le festival d'art local il y a 2 ans, je pense. Okay. On est venu au Nord-Ouest, au Nord-Ouest Café, la sortie de l'album. Ouais, puis c'est ça, tu vois, les autres shows qu'on a fait à Trois-Rivières, c'était plus des shows de bar, donc il n'y a pas les mêmes capacités techniques que la salle de samedi. Oui, justement, là, c'est vraiment une salle de spectacle, un théâtre, même la salle au cégep de Trois-Rivières. Est-ce que ça change un petit peu la formule du spectacle? Est-ce que c'est un spectacle différent? Oui, complètement, parce qu'il y a toute une dimension éclairage qui n'existait pas avant. Okay. Puis le travail d'éclairage qui a été fait sur le show est quand même pas mal cool. Mm-hmm. Puis quoi d'autre? Ça, c'est des places assises, c'est ça? Oui. Comme tu me parles d'un théâtre, donc j'imagine que le monde va être assis, mais on encourage tout le monde à se mettre debout dès la première chanson, s'il vous plaît. Oui, j'espère que les gens vont le faire. Est-ce que vous êtes seul à ce spectacle-là? Pardon? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a une première partie? Est-ce que c'est juste vous? Oui, il y a une première partie, c'est Elsiane. D'accord. Elsiane, c'est une Montréalaise, une chanteuse qui va être là avec son drummer. C'est pas mal bon. Cool. C'est qu'ils vont ouvrir ils vont faire une petite demi-heure avant nous. Parfait. Puis, à part Trois-Rivières, qu'est-ce qui se passe de bon côté spectacle? Est-ce que vous tournez encore l'album? Ouais, on tourne l'album, puis même que l'album va sortir dans d'autres pays, donc on recommence un petit peu le même cheminement qu'on a fait au Québec, mais on va faire ça en Allemagne. L'album sort en Allemagne à la fin du mois. Il sort en France au début 2010. Donc tu vois, là c'est Trois-Rivières, c'est notre dernier spectacle au Québec avant un petit bout. Et après on s'en va. Donc la semaine prochaine, on va être aux États-Unis. Il y a un événement à New York qui s'appelle le CMG, qui est comme un gros supermarché de la musique. Après, on part en Europe pour un mois. On fait le tour de l'Allemagne et les Transmusicales de Rennes, qui est quand même un gros événement à Rennes. Et après, on revient puis on fait le Club Soda pour 2-3 soirs. OK, donc ça va être une grosse année qui s'en vient pour vous. Donc j'imagine que vous n'êtes pas encore à l'étape de penser à un prochain album. Non, pas tout de suite, non. Vraiment pas, hein? Savourons celui-là en premier. Oui. Ouais, savourons celui-là, puis peut-être en septembre 2010, on va se remettre en studio et on verra ce qui se passera avec ça. Là, mais... D'accord. Donc pour l'instant, on va voir le spectacle le samedi 10 octobre à 20h au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Et puis pour ceux qui veulent entendre des extraits de l'album, il y a beastsound.net et myspace.com/beastsound. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Phi. Au revoir, à samedi. Merci, bye-bye. Au revoir. C'était Jean-Phi de la formation Beast. Oui, on va aller écouter une pièce de Beast, Mathieu, tout de suite. Absolument, tout de suite, on écoute Devil. Vous êtes à Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Ouh! Rolling around on the floor. Get me back my humanity. And I Décapote de la patère rose à Assemblage Requis. Oui, dans quelques minutes, on va avoir la chronique de Maxime Lemieux-Laramé ici à l'émission Assemblage Requis. On va aussi avoir, avant la fin de l'émission, avant 17h, on va vous présenter une capsule de Vidons-la dont la question, comme on essaie de le faire à tous les jeudis. On n'est pas pire à date, on réussit à y penser. Mm-hmm. Donc, vous allez avoir ça d'ici 17h. Sinon, en attendant, Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va entendre numéro. Ben, faisons ça. Bon. Tout de suite. À Assemblage Requis. C'est quoi la pièce déjà? C'est la pièce 1 tiers, 2 tiers. C'est qui ressemble à du Indochine ou Les Incendiaires. Très bon. C'est l'Assemblage Requis jusqu'à 17h. Le reflet n'y est pas, la surface est trop souple. Une roche au fond du lac, l'insulte était facile. Je m'enliserai, je sais, je suis prêt à souffrir au fond. Banana bag. La formation numéro. La pièce 1 tiers, 2 tiers. C'est l'album Sport de combat. On est toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Et on accueille Maxime Lemieux-Laramé et son bloc Télécharge quoi. Salut Maxime. Salut. T'entendais mon signal? Ouais. Il est donné. Hey, j'avais une joke de hockey à faire en arrivant, mais je me suis dit, ce serait pas drôle. Là. Mathieu, écoute même pas ça. Puis Kiwan, je sais pas. Je sais pas si je peux dire mes allégeances sportives ici. Là. Non, mais je veux dire à propos de la game d'hier des Canadiens. Ah, ben j'ai écouté à la radio un petit peu. Un petit peu. Ouais. Mais ça, c'est parce que. Il y a du monde qui écoute du hockey à la radio, sérieux. C'est déjà assez plat juste en le regardant si t'enlèves le visuel en plus. Parce que je travaille et moi, j'ai une vie. Ouais, il travaille, là, lui. Ah, mais c'est ça, dans le fond, ma joke, là, c'est pas si drôle, mais je l'ai dit quand même. C'est que j'étais allé voir les Patriots hier jouer. Oui. Puis après ça, j'ai regardé la game du Canadien. Hey, ça fait 6 heures de hockey, c'est toi, Mathieu, tu capoterais. Hein? Mais c'était pour dire que j'ai comme vu deux fois la même game de hockey. Les Patriots ont perdu genre 7 à 2 ou 7 à 3, puis les Canadiens ont perdu 7 à 1. Fait que c'était vraiment une belle soirée. Non, je sais pas. Ça n'a pas carré. C'était-tu le punch? C'est le punch? Ah non, mais... Attends, attends. Refais-moi le punch. Punch? C'était pas plus drôle la deuxième fois, mais c'était pas vraiment un punch la deuxième fois. C'est plus le mot punch. Mais bon. Bon, va... bon, Maxime le mineur-aimé. Yes. T'as aucune, hey, aucune sensibilité, Mathieu. C'est pour ça qu'on comprend pas ça, les jokes d'hockey. C'était ça la blague que t'as vu deux fois le même match. Vraiment un insensible. Ouais, t'es vraiment insensible. Excuse-moi. Je plains ta blonde. Bon, peux-tu parler de musique, là? Ça serait beaucoup plus intéressant, oui. Ouais, c'est ça. Ben, aujourd'hui, je vous parle de plein de choses, dont, entre autres, un groupe que j'avais, bon, ben, très quand même connu, mais peut-être qu'il est moins connu. L'album que je veux parler, il est moins connu. Je voulais parler de Beyrout. Je sais pas si ça vous dit quoi, les gars. Beyrout, c'est une ville au Liban, mais c'est aussi un groupe de musique. Mm-hmm. Puis, bon, c'est le chanteur qui a parti ça, Zach Corden, je crois. Il est âgé de 23 ans. C'est un jeuneau, puis il a déjà 4-5 albums à son actif. Puis moi, j'ai découvert, il y a peut-être deux semaines, un maxi qui est sorti en 2007. Puis ce maxi-là, dans le fond, c'est le premier album avec toute la band. Il y a eu le premier album qui s'appelait Gulag Orchestra, qui est sorti en 2006, mais c'était vraiment juste le chanteur avec du bidouillage et tout. Et l'album que j'ai découvert, que je savais même pas qu'il existait, Long Island, date de 2007, puis c'est le premier album avec tout le groupe. C'est un style particulier, là, Beyrout. En tout cas, vous allez entendre. Là, on entend du ukulélé, de l'accordéon. Rien de super intéressant quand j'en parle comme ça, mais ça donne un son quand même super intéressant. Il y a personne qui joue au hockey dans la pièce, donc au moins ça va être déjà plus intéressant pour moi. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute qui adore le hockey. Là. Je sais, mais je veux pas me mettre personne à dos. C'est une question de préférence. Puis moi, ben, je trouve ça super plate. Ah, c'est correct. Mais t'aimes la musique. Mais tu sais que t'es quand même une minorité. Là, ah, je sais, je m'assume tellement là-dedans. Là, mais tellement. Mais c'est cool des fois aussi, hein, être dans la marge. Tu sais, ouais, hein? Ça. Et oui, t'es différent. C'est cool aussi des fois être dans la marge. Il se fait sur le front, gars. Ouais, ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Fait que c'est ça, on va écouter Beyrout, puis on en reparle après. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez si vous connaissez pas ça comme ça. Parfait, on écoute ça. On écoute ça, Beyrout, c'est la pièce Elephant Gun. Vous êtes dans le bloc Télécharge Quoi de Maxime Lemieux-Laramé à Assemblage Rock. Slapshot. Coup de circuit, non? C'est pas du baseball, ça. If I was young, I'd flee this town. I'd buried my dreams underground. As did I, we drink to die. We drink to night. Far from home, elephant guns was dead. It's not been found, it's not around. Let the seasons begin when the world's right wrong. Let the seasons begin to take the big game down. Let the seasons begin. Let the seasons Alors, c'était Elephant Gun de Beirut. C'est ça, la pièce, ça recommence un peu après avec l'accordéon. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est un maxi, hein, un EP de 5 pièces, je crois, qui s'appelle Long Island, mais c'est L-O-N, espace Guyland après. Guyland. Guyland, ouais, c'est ça. Puis, il s'appelle Beirut, mais ça n'a aucun rapport avec le Liban, là, du tout. Le chanteur vient du Nouveau-Mexique, mais je crois là, qu'ils sont vraiment installés à New York. Là. Je ne vais pas m'avancer non plus. Là. J'ai pas des sources fiables, mais me semble qu'ils sont à New York. Là, on entend un peu les influences du Sud, en tout cas. Ouais, non, c'est muy caliente. Mais il y a plein d'autres. Moi, j'ai découvert Beirut avec l'album The Flying Club Cup, qui est sorti en 2007. Il y a un album qui est sorti récemment. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est deux EP qui sont sortis en même temps. Puis le deuxième EP, il est plus électro un peu. Là. Okay. Il est revenu, il faisait ça un peu Zach Gordon au début. Il était pas mal plus électro que qu'est-ce qu'on entend. Mais est-ce que ça vous fait penser à d'autres choses? Moi, je trouve ça vraiment particulier là, comme style. Là. Mm-hmm. Je sais pas à quoi ça me fait penser d'autre, mais je trouve ça excellent. Alors, c'est Beirut. On se lance tout de suite avec le deuxième artiste que je voulais présenter. Ça fait longtemps que je voulais en parler, assez fou. Je sais pas si on en a déjà fait jouer, mais c'est Chromeo. Un duo de Montréal, électro-funk, pas mal. Ça joue un peu cet été, il était au festival Envoie les Macadam, si je me rappelle. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, exact. Alors, c'est ça, je suis allé chez mon disquaire en fin de semaine, puis j'ai acheté une compilation, je savais pas trop c'était quoi, je pensais que c'était un nouvel album. Mais finalement, c'est une compilation, puis j'ai pas été super satisfait. Puis en essayant de comprendre qu'est-ce que j'avais acheté, j'étais allé m'informer sur Internet. Puis j'ai trouvé une super intéressante pièce sur leur MySpace qu'on peut aller télécharger sur un autre site. Là. En tout cas, vous suivez les liens, puis c'est téléchargeable gratuitement. Moi, j'adore Chromeo. C'est vraiment... Je sais pas si vous connaissez ça, vous, un peu. Pas tellement, non? Moi, je t'avoue. Non, ça, c'est vraiment... années 80 électro, mais tu sais, t'as le goût de danser, là. T'as le goût de faire le party dessus. Moi, je les avais découverts l'année passée à Oceaga, puis c'était ma surprise de l'année dernière, là. Je m'attendais plus à rien, puis c'était pendant le spectacle de Jack Johnson, puis ça m'intéressait vraiment pas d'aller voir Jack Johnson, puis tout le monde me parlait de Chromeo. On est arrivé là, fin de la deuxième journée, on hésitait à partir. Finalement, le party a commencé dès qu'ils sont embarqués sur la scène, du début jusqu'à la fin. C'était incroyable. Puis ben, là, c'est ça. Moi, je propose qu'on aille l'écouter puis qu'on en rejase après. Mais c'est ça. Je sais pas si ça va être sur un futur album ou quoi que ce soit. Mais la pièce s'appelle Night by Night. Ça vient de sortir sur leur MySpace. On écoute ça dans ma chronique. Télécharge quoi? À Assemblage Rocky. Assemblage Rocky. We'll be right back. C'était Night by Night de Chromeo qui va peut-être paraître sur un prochain album, hein? À voir. On voit Mariner Cini passer dans la chanson. Ah ouais. Dans ses comptes un peu, là. Ouais. Ou Mighty Ducks, je sais pas, mais ouais. Dans ses comptes. Mais Mariner Cini, elle jouait pas dans le film Les Mighty Ducks. Non! Donc, c'était pas un des canards. Tu te risques encore là, à faire des références de hockey, mais non. C'est... Non, il n'y a pas de coup de circuit là-dedans. Non, c'était pas Marina Orsini qui jouait Gordon Bombay. Mais juste qu'on arrête de parler pour toujours de hockey pendant mon bloc. Okay. Ça fait peut-être rire du monde. J'aime ça faire rire de moi avec le hockey. Je sais que je suis marginal là-dedans. Avant de continuer avec ton prochain groupe, je te suggère de faire une pause. Bon, OK, let's go. Et donne-nous un avant-goût du nom, au moins, ça va être, ouais, c'est ça, ça va être Julian Casablancas. On en reparle tantôt. Ouais. Assemblage requis. Assemblage requis. Assemblage requis. C'est fou de... dans ta face. 489-1-1-1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. De toujours assemblage requis jusqu'à 17h et on dit rebonjour aux joueurs déchus des Patriotes, Maxime Lemularamé. Ouais. Ça, c'est de la part de Marc Perriard de la pilule du lendemain. Ouais, mon ancien patron. C'est ça. Je ne prends pas ça trop personnel, mais en même temps. Non, c'est bon, c'est correct, Marc. C'est bon. Donc, Maxime et son blog télécharge quoi? On est rendu à Julian Casablancas. Ouais, Julian Casablancas. Alors, c'est qui Julian Casablancas? C'est le chanteur de Strokes. Et The Strokes font une longue pause. Là. En tout cas, il y a pas mal des membres qui partent en solo, qui font des projets avec d'autres artistes. Et Julian Casablancas se lance lui aussi en solo. Ça a l'air pas pire. En tout cas, j'ai entendu une pièce sur MySpace, celle qu'on va vous faire entendre tantôt. C'est ça, c'est plus électro. Tu sais, moi, j'ai vraiment adoré The Strokes, surtout leur premier album, Is This It, qui est sorti en 2001. Là, ça a vraiment été l'album bon, qui m'a fait découvrir ce style-là. 2001, t'es sûr que c'est 2001? Ouais, 2001, ouais, me okay. semble. J'avais l'impression que c'était plus vieux que ça, moi. Me semble que c'est 2001. Ah, ça se peut. Mais je garantis rien, là, je mets plus ma tête sur le pied. Ah, c'est ça, ben, je suis pas mal sûr parce que, en plus, je t'allais vérifier tantôt sur Pitchfork. Ils ont fait un genre de palmarès des albums de la décennie 2000 à 2010. Là. OK, ils sont déjà rendus là, ça? Ouais, ils sont rendus là. Ils savent qu'il n'y aura plus rien qui va sortir pour le restant de l'année. Mais ils disaient que Is This It, c'était le 7e album de la décennie. Alors, ça aussi, c'est à découvrir. Là, si vous ne connaissez pas The Strokes, Is This It, le premier album. Après ça, ça a été moins bon. Moins de mon goût avec leur deuxième et troisième album. Mais là, j'ai écouté quelques extraits de Julian Casablancas, j'ai écouté des entrevues, et puis ça a l'air électro-rock, là. Puis bon, ben, je sais pas, on va peut-être entendre la pièce. Ça vous donner un goût de qu'est-ce qui va arriver avec Julian Casablancas. Puis c'est un album, l'album ça va s'appeler Phrases for the Young, puis ça sort le 20 octobre prochain. Alors, à noter à l'agenda. Sur le calendrier, le 20 octobre prochain, album solo de Julian Casablancas. On écoute, vas-y. Ouais, on va écouter ça, puis on s'en reparle après. C'est 11th Dimension. Oui. C'est dans le bloc qui télécharge quoi de Maxime Lemuramé à Assemblage Requis. Amen. C'était Julian Casablancas avec Eleven Dimension qui va paraître sur le prochain album Phrases for the Young le 20 octobre dans l'Internet et chez vos disquaires préférés. L'Internet et sur vos disquaires. C'est ça, sur vos disquaires. Sur Internet et dans vos... Ouais, et chez vos disquaires. Ouais, chez vos disquaires ou... Peu importe. À la place où vous achetez vos disques, vous voulez procurer, entre guillemets. Ouais. C'est un autre artiste de New York, là. Moi, je les écoute tous ces temps-ci. Un peu de New Wave, hein? Ouais, très années 80. Ouais, en tout cas, j'ai hâte d'entendre l'album. Je pense qu'il y a 8 pièces. Je trouve que c'est pas beaucoup, mais... Ça fait plus long, les pièces, non? Peut-être. Fait que je vous laisse, puis je vous souhaite bonne chance avec Vidon, Ladon, La Question. Merci beaucoup! On va faire ça tout de suite, ouais, ce serait le Monday. Ouais, parce que sinon, on va l'oublier encore. Bon, ben, salut, à la semaine prochaine. Hey, merci, Maxime. À jeudi prochain. Merci. Oui. Je te censurerai pas, là. Tu vas voir, je t'empêcherai pas de dire les vraies affaires en nos 4-6 yeux. 6 yeux. Je pense qu'on a à peu près 6 yeux en tout. On a 6 paires de manches à rouler aussi, puis ouais. Je vais me censurer moi-même. Putain, là-dedans, la question. Et si la liberté d'expression sur Internet se méritait? Les forums de discussion sur Internet sont des espaces où les gens écrivent pas mal tout ce qui leur passe par la tête sans aucune retenue. Heureusement, ce Far West numérique sera bientôt régulé par le MMPB, le ministère de la moralité publique et de la bienséance, qui désormais délivrera des permis pour s'exprimer sur le web. Les citoyens devront donc passer un test qui évaluera leurs connaissances en matière d'étiquette sur le web, aussi appelée la netiquette. Ok, je vais te poser des questions pour l'examen. Premièrement, qu'est-ce qu'un trolleur? Ok, ça c'est facile. Un trolleur est quelqu'un qui, sur un forum de discussion, délivre des commentaires non pertinents ayant généralement pour but de provoquer des engueulades. Oh, bravo, tu l'as pris par cœur, c'est bien. Oui, oui, oui. Une autre question. Nommez 3 exemples de choses qu'on ne peut pas écrire sur le site de questions de santé Doctissimo. S'inventer une maladie grave juste pour recevoir des messages de sympathie. C'est bien. Dire que pour les maux de cœur pendant la grossesse, il n'y a rien de mieux que de prendre de la thalidomide. Wow, bravo. Puis dire que le qui est plus sécuritaire dans que dans le. Oh, palaille. Quoi, c'est pas écrit dans le livre, là, mais je suis pas mal certain qu'ils te laisseront pas dire ça. L'examen sera relativement facile à passer pour toute personne qui prend la peine d'étudier. Mais certains trouveront quand même le moyen de couler. Ben oui, j'ai coulé mon test! À question d'eau, c'était une mise en situation. C'est écrit « Patrick Lagacé met en ligne une vidéo d'un singe qui mange une Kit Kat. Que répondez-vous? » J'ai pas pu m'empêcher d'écrire que le singe a mangé un Kit Kat parce que les employés qui travaillent chez Kit Kat, c'est des babouins eux-mêmes! J'ai coulé! Puis, mon chéri, t'as-tu passé ton examen? Non, j'ai eu 0/20! Imagine-toi donc que j'ai accroché le fixe majuscule sur le clavier puis que j'ai écrit tout ça en lettres majuscules. Mais c'est quoi le problème? Mais c'est parce qu'en étiquette, quand on écrit en majuscule, ça veut dire qu'on crie. Fait que ben c'est ça, j'ai dérangé toute la classe en criant tout le long de l'examen. Ben écoute, mon petit gars, je suis désolé, mais t'as coulé ton examen. Oh non, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, comme ici, au Canada, on a toujours pas de système pour bien surveiller les gens qui ont pas de permis sur l'Internet. Ben, on fait appel à l'expertise de la Chine. Eh oui, la Chine, où un paquet de sites sont censurés. Oh, mais là, monsieur, comment, là, vous pouvez pas faire surveiller mon Internet par la Chine, là? C'est full pot. Non, mais là, écoute, toi, ça change pas grand-chose, là. C'est sûr que pour des recherches de mots, là, comme Jizz Compilation, Interracial Bukkake, Moff Diving, June Hayes, quoi d'autre? Audrey Hollander, Double Penetration. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que je suis en secondaire 1. Faut que je fasse une recherche sur le Tibet. Tu sais, je pourrais jamais trouver d'informations sur le Tibet là, si la Chine espionne mon Internet. Oh, OK. Ouais. Écoute, t'auras pas le choix, mon grand. Il va falloir que t'ailles à la bibliothèque! Eh ben voilà, c'est fait, on a passé la capsule vidéo dans la comme question. Comme si c'était un défi puis qu'il fallait absolument mettre un croche à côté de ça. Ben non, mais c'est parce que... On en passe parce qu'on aime ça, mais des fois on l'oublie. Mais faut pas l'oublier parce que c'est récurrent, c'est à toutes les semaines, faut qu'il y ait au moins une capsule de vidéo dans la question. Et ça, c'était celle sur la censure et sur l'Internet et des choses comme ça. Allez voir vidéoladon.com pour plus d'informations sur Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Et puis nous, on adore passer leurs capsules, qu'elles soient vintage ou non. Et celle-là était vintage. Ça veut dire vieille, mais bonne. Bonne, mais vieille. Le goût vient avec le temps, on dirait. D'où la mode des cougars en ce moment. Hein, Kiwan, parlons-en des cougars. Les cougars, c'est à la mode, tout le monde aime ça. Mmh. On va dire les vraies affaires. Vraiment, ça. Parle-nous-en, là. Tu veux soulever une polémique encore, là? Absolument pas. Ah, moi, vas-y. Je m'en fous complètement, mais les cougars, c'est à la mode. Les vieilles femmes. Les femmes plus mûres d'âge qui chassent des petits garçons. C'est à la mode. Il y a une comédie sur ABC, Cougar Town, avec la fille qui joue dans Friends, Courtney Cox. Et puis, tout le monde parle juste de ça, les cougars. Est-ce que tu as des cas vécus à nous raconter? Non. Pour nous parler d'expérience personnelle? Je préférais ne pas vivre ça. Okay. Moi, personnellement, là, okay. C'est pas mon genre de chose. Parfait. Non. MILF non plus, tu sais. OK. En tout cas. Donc, ça va faire. C'est pas là-dessus qu'on voulait venir, évidemment, dans la question. Mais bon, on les retrouvera la semaine prochaine, sûrement le jeudi, pour une autre capsule. On va continuer ça avec de la musique ici à Assemblage Requis. On s'en va entendre une petite pièce du côté anglophone du palmarès, tiens. Oui, le groupe Rome Octo Diamond avec la pièce de Last Diamond in the Cave à Assemblage Requis. Et on se retrouve pour la fin de l'émission dans quelques minutes à peine. Oui, c'est déjà fini. Schniff, schniff! Diamond. Avec la pièce Last Diamond in the Cave, c'est sur le palmarès anglophone cette semaine. Et avant de terminer l'émission, Mathieu, quelque chose dont on voulait parler, un événement qui a lieu en fin de semaine, mais c'est pas dans le coin ici. Non, c'est quand même assez loin, dans une petite municipalité du lac Saint-Jean qu'on appelle Saint-Prime. C'est un petit village, le lac Saint-Jean, puis la raison pour laquelle on en parle, c'est parce que je sais pas si c'est la première édition du festival Coup de Grâce, je pense que oui, le Coup de Grâce de Saint-Prime, mais en tout cas, peu importe que ce soit la première ou peu importe, il y a vraiment une programmation d'enfer pour le petit village de Saint-Prime en fin de semaine. Impressionnant. Il va y avoir entre autres Fred Fortin qui va aller faire le lancement local de son album Plastrer la Lune là-bas. Il va avoir aussi les Delaware Chuck, Duchesses, Carquois. Band de Garage, Vincent Valliers, Malajube. Donc, méga programmation pour cet événement à Saint-Prime, au lac Saint. Oui, ça se passe dans le genre des vieux couvents, dans des trucs comme ça. Oui, c'est pas un festival avec une scène centrale, c'est dans plusieurs endroits. Donc, Vraiment cool. Donc, c'est le coup de grâce musical de Saint-Prime. C'est en fin de semaine, ça commence demain, vendredi. Donc, 9, 10 et 11 octobre. Octobre 2009. Qui est écrit dans la tête. Octobre. Ah. Mais sinon, autre cette faute-là. C'est très, très beau. Leur site, c'est très bien fait. Ça a l'air vraiment le fun. Donc, si vous êtes dans le coin, ben, passez par là, ça vous intéresse. Sinon, ben, dans le coin ici, il y a d'excellents spectacles à Trois-Rivières. On vous le rappelle, il y a Beast qui sont samedi au Cégep de Trois-Rivières. Il y a aussi Extérieur, pour ceux qui aiment le punk rock. Moi, je les ai vus en prestation au gala du Gamic la semaine dernière. Puis je trouve que pour quelqu'un qui aime le punk rock, la musique un peu plus commerciale, c'est un très bon groupe à voir en spectacle. Ils sont aussi à Trois-Rivières ce samedi. Absolument. Et tant qu'à parler de spectacle, si je peux me rendre là, oui, absolument, de le 9. Le 9, ça, c'est quoi? C'est demain, vendredi soir. Au Île-Moteur de Montréal à 20h, c'est Valesse Parietar qui est en spectacle. Donc, si vous les avez appréciés à l'émission de lundi, Rendez-vous-y. Allez-y donc. Aussi, tu te souviens, il nous parlait, Vanessa Parietar, quand ils sont venus ici d'un spectacle qui serait à Sorel bientôt, qui est probablement le plus proche de Trois-Rivières pour l'instant. Ouais. Mais aujourd'hui, Vanessa Parietar ont confirmé. Moi, j'ai lu la nouvelle par Vanessa Parietar, mais bon, le producteur du spectacle a confirmé qu'il va avoir We Are Wolves, ouais. Parlor et Vanessa Parietar au Pub O'Callaghan. On va être là, je pense. Réservez vos places vite parce que c'est grand, à peu près comme le studio ici. Là, ouais. C'est vraiment pas grand, donc ça va être tout qu'un show. On va se brancher un peu. Donc, c'est le 14 novembre, ça, c'est quand même assez loin, mais on vous en reparlera. C'est au Pub O'Callaghan à Sorel. Allez voir myspace.com/Vanessa Parietar pour ceux qui aiment ce son-là qu'on adore. Donc, l'émission est terminée, là, je pense. Absolument, notre semaine est terminée. Ouais. On arrête de parler, ça va faire. Hein? Toi, tu vas être au palmarès demain soir à 17h. Oui, jusqu'à 20h, on va faire un palmarès des 20 pièces francophones et anglophones les plus demandées par les animateurs de C'est Fou. Ce soir, sur nos ondes, tout à l'heure à 17h, il y a les Pains Bêches en mission qui s'en viennent dans quelques instants. Ensuite, il y a la Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. À 18h. Ensuite, on saute à 21h pour Skypunka parce qu'il n'y a plus de garage. Malheureusement. Comme c'est notre dernière émission de la semaine, on prend le temps de remercier bien des gens. On remercie Vanessa Parietar pour la musique thème, la chanson thème, les musiques de fond, les enrobages. Oui, on remercie aussi nos chroniqueurs, Maxime Lemieux-Laramé, François Landry, Émilie Gauthier, Simon Fidibé, Sébastien Duluth, même s'il n'a pas fait sa chronique. On le remercie quand même. Quand même, on l'a vu tantôt, il est là. Il est fin. Il va être de retour la semaine prochaine. La semaine prochaine. On remercie Danny Janvier à la production sonore, toute l'équipe de C'est Fou, toute l'équipe du Zone Campus, Key One. Mathieu. Vous l'avoir écouté. Et puis, passez une très, très belle semaine. On se quitte avec un groupe qui va être en musique. À Saint-Prime. À Saint-Prime, la belle petite ville de Saint-Prime. On les appelle Malajub. Malajubi par leur petit nom commun, comme ça. Les Jujubes. Les Jujubes, absolument. Voici Hérésie. Bonne fin de semaine. Bye. À toi. À toi. Moi, je vais être là demain, donc je me dis pas bonne fin de semaine à moi-même. Hein? OK. Ça n'a aucun sens. On s'entend là-dessus. Hein? C'est ça. Malajub, bye. Salut, Marc.